Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est un pas échange, du un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle. Je signale que depuis le début de l'année, ces cafés citoyens qui étaient traditionnellement animés par la MPP, on les a transformés en cafés citoyens de Langoumois, donc on élargit et ce soir, je ne dis pas qu'il y a des super citoyens, mais enfin je pense que c'est des citoyens déjà largement conscientisés, qui interviennent, posent des questions à d'autres citoyens qui peuvent répondre, qui peuvent témoigner de leur expérience. Voilà. Donc, moi, je vais tout de suite passer la parole au premier intervenant, donc aux deux premiers intervenants qui sont les représentants du CAUE, donc Michaël Chariot et Guglielmi Pierre. Bonsoir. Donc, je m'appelle Michaël Chariot, je suis conseiller info énergie au CAUE de la Charente. Le CAUE, c'est le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est une association de loi 1901 avec une mission de service public sur l'architecture, quoi, pour promouvoir l'architecture et l'urbanisme de qualité. Ça existe depuis 1979. Pour la partie particulière, parce que c'est peut-être un peu plus ce qui nous concerne ce soir, il y a un architecte conseil et deux conseillers info-énergie qui conseillent les particuliers sur leur projet de rénovation de construction. Et éventuellement, on oriente sur des organismes professionnels au bout d'un moment, s'il y a besoin, entre autres, sur des études thermiques ou des choses comme ça. On a eu toute une période avant 1930, même on parle dans la réglementation de 1948, les bâtis pierres, bâtis anciens, qui était un bâti qui était lié à là où il était construit. Entre choix des matériaux, type de construction, il y avait l'aspect l'environnement du bâti et son usage avait une importance, donc on le concevait dans ce sens-là. On est arrivé sur la période 1930-1950, après-guerre, à un besoin de reconstruction important et une grosse industrialisation de la construction. L'apparition du bloc béton, des choses comme ça, où on a dû construire beaucoup et vite. On a un petit peu perdu la notion climat et intégration dans son environnement. Puis après, il y a différents événements, entre autres le premier choc pétrolier, qui ont fait prendre conscience que l'énergie avait un coût et qu'elle pouvait être rare. Et où là, on a vu apparaître les premières réglementations thermiques. Et ça se décompose en trois blocs. 10 millions à peu près, on pourrait être un peu plus précis, mais en gros, 10 millions de logements avant 48, avant 1930-48, bâtis anciens. 10 millions sur la période après-guerre, construction, développement des gros blocs. Et 10 millions à partir des premières réglementations. La construction neuve, c'est 1%. On renouvelle d'un pour cent le parc de logements. Donc on a le gros volume, c'est le bâti existant de toute façon. Voilà. Les différentes réglementations ont fait qu'on a amélioré la performance du bâti. On a un gros volume sur les 30 glorieuses où là l'aspect énergétique n'était pas du tout pris en compte. Énergie pas chère, construction rapide, avec des bâtiments, donc plus de 10 millions de logements qui sont très énergivores. Puis le bâti traditionnel, pas parfait mais pas si catastrophique que ça quand on fait les mesures réellement. Donc on a vraiment un gros enjeu en termes de volume sur la rénovation pour arriver aux objectifs, entre autres, des 80 kWh par mètre carré. Pierre Guglielmi, je suis architecte conseiller au CAUE. Je ne m'occupe pas du service particulier, ou très très peu. Hein. Je m'occupe plutôt des collectivités, des demandes des collectivités, des actions de sensibilisation auprès d'autres associations et du public scolaire. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler d'habitat. Donc par habitat, on entend quelque chose qui est plutôt ordinaire, usuel, hein, qui n'a pas volonté de se démontrer. Mais cette modestie de l'approche n'est pas, on vient de le voir sur l'aspect consommation d'énergie, n'est pas sans lien avec quand même la production d'architecture et on y est attentif. Voilà, donc on m'a demandé de tracer des jalons historiques. Alors bon, en 10 minutes, c'est assez difficile. Donc j'ai évacué tout ce qui précédait le 19e siècle. Il y a quelques précurseurs qui vont aborder l'aspect énergétique, mais pas sous l'angle de l'économie, mais simplement l'angle de l'utilisation. Mais quand même, ils ont mis le doigt dessus. Et ces utopistes, les utopistes du 19e, ont défini des villes plus ou moins idéales dans lesquelles ils abordent l'aspect énergétique sous la forme de la production industrielle, essentiellement. Surtout, ce qu'il en est resté, c'est la notion qui touchait à une vision également humaniste de la production du bâti, la notion du pavillon d'habitat, du lieu d'habitat pour une famille, qui associait alors en termes de très souvent un jardin. Une des formes qui est restée, c'est la notion de la cité-jardin. Donc là, qui sait par contre, autant les utopistes ont eu du mal à développer tout le créneau de leur rapport à l'énergie, notamment dans l'industrie, le lien entre l'habitat et l'industrie, autant le pavillonnaire s'est développé autour de la cité-jardin. Aussi également une forme d'avatar de la cité-jardin. Donc là, vous avez une photo d'une commune périurbaine d'Angoulême, donc il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver ce type de dessin. Où les maisons, alors on le voit, elles sont orientées indifféremment d'est en ouest ou de nord au sud, vous en avez dans les deux sens. Donc ça veut dire que quelque part, la façade principale ouverte au soleil, on peut être suivant le coup de bol qu'on a dans un sens ou dans l'autre. Parfois quand même, il y a eu des petits efforts. On a produit des maisons un petit peu plus groupées, un petit peu plus intelligentes, un peu novatrices au niveau de leur forme. Et puis on a, alors à la même période, dans les années 70, des précurseurs de l'habitat solaire avec des formes beaucoup plus innovantes. Donc là, c'est les maisons de Steve Berk, beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir dans pas mal de livres, qui sont caractérisées par un secteur de captation du soleil. Vous voyez ici un grand volet qui va venir se replier comme un opercule et fermer la nuit. Et derrière la zone vitrée, un secteur de captage de l'énergie. On est quand même sur d'étalement urbain prépondérant. On ne s'est pas encore trop soucié, on commence à y venir, mais on ne s'est pas trop soucié des espaces agricoles qu'on pouvait prendre et de comment on allait gérer les transports en allant de plus en plus loin des centres d'activité. Et un truc nous, qu'on voit apparaître sur, et qui est encore le cas sur la RT 2012, c'est qu'on ne réfléchit pas encore complètement comme ça puis l'être sur des essais qui ont été faits dans les années 70 sur une conception intelligente de la maison qui va récupérer l'énergie, mais on mise beaucoup sur la technologie. Et peut-être pas forcément encore, pas sûr qu'il faut tout miser sur technologique et que ça serait bien de revenir, continuer à penser, à bien orienter ses maisons, à réfléchir leur conception de base. Peut-être un autre mode aussi d'intelligence par rapport à l'énergie, c'est tout ce qui touche au déplacement. Là, vous avez un exemple qui est connu, qui a été primé plusieurs fois, qui est situé à Saintes, pas très loin d'ici, de réappropriation d'un centre d'îlot, un cœur d'îlot bâti. Et l'intérêt de la chose, c'est de dire que les gens ne sont pas très loin de la gare, pas très loin des transports en commun. Donc l'habitat ne sera peut-être pas parfait au niveau de sa notation en termes de performance énergétique. Mais par contre, l'économie que réalise l'habitant, elle est d'une autre nature, elle est dans son confort de vie, dans ses temps de déplacement et dans sa possibilité de ne pas avoir deux ou trois véhicules par famille. Une maison très performante, ce n'est pas forcément une maison excessivement chère, mais après, il y a une réflexion à avoir sur les matériaux employés et on en revient sur la technique aussi. On a voulu effectivement avoir une première introduction historique. On voit que la préoccupation du climat, de l'effet de serre, n'était pas forcément une préoccupation il y a très peu de temps. Jean-Marc Prodhomme du Pacte, qui est chargé de rénovation de l'habitat, voir ce que l'on peut faire aujourd'hui. Alors quand on a préparé le Café Citoyen, on a dit est-ce qu'on s'intéresse à l'habitat collectif ou à l'habitat ancien. Donc on a ce qui a été dit tout à l'heure, aujourd'hui le renouvellement de l'habitat, on a dit c'est 1% par an, donc c'est vrai que l'enjeu est beaucoup sur l'habitat ancien, sachant que l'enjeu, il n'est pas que, ça vient d'être dit, que sur la partie énergétique chauffage, il est aussi sur la partie déplacement. Mais là, le témoignage va être plutôt sur l'isolation. Donc Jean-Marc Prodhomme, je suis architecte au Pacte de Charente. Le Pacte Charente, c'est une association qui est fédérée au niveau national. Donc il y a des pactes un petit peu partout en France. Et le Pacte, c'est, bon, c'est un mouvement qui date des années 50-60. Pacte, en fait, ça veut dire protection, amélioration contre les taudis. On n'est plus vraiment dans les taudis maintenant, dans les logements, ça s'est franchement amélioré. Mais bon, il reste quand même une plupart de... On trouve encore des logements insalubres. Donc on s'occupe de ça, toujours. Mais notre problématique, ça va être de travailler sur le logement. Et on va partir du logement, de faire des petits travaux pour améliorer, jusqu'à faire des études au niveau d'urbanisme et réfléchir comment est-ce qu'on peut aménager dans les centres urbains, comment est-ce qu'on peut retrouver du logement au-dessus des commerces, des choses comme ça. Mes collègues là qui font les visites, en fait, ils ont un peu toujours le trio gagnant, c'est isolation des combles, les fenêtres et puis chaudières, changement des chaudières. Avant d'aller construire un super logement, super écolo, on peut déjà peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on se réapproprie le bâtiment existant. Déjà, on va faire des économies au point de vue du bilan carbone, on ne va pas consommer du béton pour construire. Donc, c'est l'énergie grise. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, peut-être aussi le lien avec le climat, moi je le vois par, c'est ce qui a été un petit peu abordé par le CAE, c'est la manière dont le bâti ancien il était organisé, comment on se protège du soleil, comment on se protège aussi des vents dominants. Et c'est peut-être aussi là-dessus, bon, l'impact du citoyen là-dessus, c'est pas lui qui va choisir comment est-ce qu'on fait le plan d'urbanisme, mais le fait de choisir aussi où on va se localiser, de choisir là où on va habiter, c'est déjà le premier choix avant même de penser, je pense, à la rénovation. Ça, ce qu'on parlait aussi, ce que vous disiez par rapport au transport. Là, si on choisit un endroit où on va habiter, c'est déjà aussi peut-être réfléchir à limiter ses déplacements, parce que le logement, c'est bien pour faire des économies, mais éviter d'utiliser sa voiture, c'est aussi pas mal. Voilà ce que je peux vous dire en ma qualité de témoin, donc je sais pas si... Merci. Est-ce que avant d'engager la discussion par rapport à ce qui a été dit, il y a des choses qui ne vous sont pas parues claires, des questions que vous auriez à poser après on va... Oui. J'ai une question à propos de menuiserie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas trop de différence, si je reprends vos propos, entre la menuiserie simple vitrage et la menuiserie double vitrage. Alors, je continue, c'est que dans le bâti ancien, je suis confronté personnellement au problème. Et j'habite un village où il y a des maisons anciennes. Et les menuisiers qui font de devis ont toujours un regret quand ils proposent du double vitrage. Parce que, bon, ils estiment, pour les puristes, que ça dégrade un peu l'esthétique avec des verres qui font un effet miroir, avec des pièces qui sont quelquefois moins fines que les menuiseries simple vitrage. Et donc, il y en a même qui disent, de toute façon, ça ne sert à rien de les faire du double vitrage, parce que vous avez des murs à côté qui ne sont pas isolés, des gros murs en pierre. Donc globalement, changez vos menuiseries pour des menuiseries qui fuiront moins, mais qui seront des menuiseries en 40 mm, donc simple vitrage, plutôt que des grosses menuiseries de 54 mm avec triple vitrage à l'argon. Ça, c'est le pendant un peu des architectes des bâtiments de France qui préfèrent restituer, avoir une menuiserie à l'ancienne. Après, je sais qu'ils avaient réfléchi aussi à des solutions, par exemple pour avoir une double fenêtre, quoi. Avoir la fenêtre ancienne et puis... Après, ce qu'il y a, c'est que par rapport au confort du simple vitrage, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir changer sa menuiserie parce qu'on se dit qu'elle fuit, qu'elle est moins étanche. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que le simple vitrage, il y a un rayonnement, en fait. C'est-à-dire que... Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est vrai que la sensation de confort, tout de suite, si on a une sensation de froid, on est tenté d'augmenter le chauffage, quoi. C'est intéressant d'étanchéifier la maison, mais c'est clair que dès qu'on change des fenêtres, il faut revoir la ventilation de la maison, et généralement en passant par intégrer une ventilation dans les travaux qu'on va mettre en place. ce qu'on peut dire aussi, c'est que la cible de l'habitat, des habitats de l'après-guerre, l'après-deuxième guerre, est particulièrement exposée à ce niveau-là, parce qu'elle présente en général des parois froides, des ponts thermiques, enfin tous les défauts qu'on peut avoir et qu'on a plutôt moins dans l'habitat d'avant 48, quoi, voilà. Hein. Et donc là, le changement d'une menuiserie doit obligatoirement s'accompagner d'une... Ce qu'on peut dire aussi par rapport à votre remarque, c'est que ben, la paroi vitrée, c'est jamais, à part dans les commerces, quoi, c'est jamais que 5 à 10% des surfaces de déperdition. La question qu'on a envie de traiter, et Yannick est là-bas, il notera au fur et à mesure, c'est par rapport à toutes les problématiques qu'on a évoquées, que ce soit la problématique énergétique, la problématique des déplacements, la problématique du confort, parce qu'à travers ce que vous venez de dire, on s'aperçoit que la maison, ce n'est pas simplement une boîte énergétique avec des trucs qui rentrent et qui sortent. La sensation des gens va aussi influer sur la façon dont ils vont mettre leur chauffage ou pas. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, quels sont les freins finalement à une progression vers l'isolation, vers des maisons, des bâtiments bien plus vertueux. Surtout par les compositions urbaines, parce que l'organisation des bâtis entre eux, ce que vous disiez tout à l'heure, est vachement important dans la composition, dans l'organisation d'une ville. Quand effectivement aujourd'hui on constate qu'effectivement il y a des lotissements avec sa maison au milieu de 3000 m², et puis bon ça effectivement c'est consommation d'espace, c'est consommation souvent de déplacement parce que c'est des lotissements qui sont loin des centres, alors qu'aujourd'hui on essaye de redensifier, je suis très prudent sur le terme parce que c'est pas la densification qui peut faire peur, mais c'est ramener effectivement les gens autour des services et autour effectivement d'une organisation urbaine. Et des maisons qui sont, je dirais, mitoyennes, en termes d'énergie, je pense qu'on est largement gagnant par rapport à une maison qui est complètement isolée et sur laquelle il n'y a rien de tout. Et alors, par rapport à ta remarque, quel est le frein, justement, à la densification et à ne pas étaler? Comment tu l'analyses le... J'ai eu un exemple récemment, je voulais vendre une maison, et on me demandait, mais est-ce que je peux faire le tour de ma maison avec la tondeuse? J'ai eu au moins 4 fois la même remarque. Ça veut bien dire que les gens, effectivement, ils veulent, je ne sais pas pourquoi, ils veulent pouvoir faire le tour de leur maison avec leur tondeuse. Je veux être chez moi, je ne veux pas que personne m'embête autour de moi. Alors, je pense qu'il y a quand même des comportements de solidarité, d'intergénérationnel à développer et qui peuvent effectivement contribuer à l'amélioration énergétique des bâtiments et puis aussi du vivre mieux ensemble. Donc tu dis c'est social. Est-ce qu'on peut fouiller ça un petit peu? Parce que je ne sais pas si c'est pas lié aussi à des générations, quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui des jeunes générations ont tout à fait les mêmes comportements que nous. Les mentalités aussi aux États-Unis, ils n'ont pas de clôture. Ouais, nous, on en a partout. En Hollande, ils n'ont pas de volets aux fenêtres. Ouais. On a ça partout. Fenêtres en extérieur. Ouais. Mais je suis d'accord avec Bernard. Enfin, je connais un petit peu le village dont il parle. Mais en fait, moi, ce qui me surprend, c'est effectivement dans l'étalement urbain, la construction, on a vu des pavillons tout à l'heure, alors qu'au centre du village, il y a des maisons qui tombent en ruine. Quoi. Donc, Est-ce que dans le document du SCOT, on a effectivement limité les surfaces? Dans le document du SCOT, oui. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale, donc il concerne 38 communes. 38 communes, ce sont des principes. Sachant que derrière, ce sont les plans locaux d'urbanisme qui vont effectivement appliquer ces principes à la parcelle hein, dans les villes. Effectivement, le SCOT a réduit de 50% l'urbanisation des surfaces agricoles existantes sur les communes périphériques. Donc c'est important, mais il en reste encore beaucoup. Le maire de Fléa qui est ici peut nous témoigner de son exemple effectivement sur la commune. Il a eu des soucis par rapport à ça, mais c'est un acte politique courageux. Les PLU doivent se mettre en conformité avec le SCOT. Oui. Vous l'avez fait à Fléac? Bien sûr, on l'a fait, oui. On a mis 4 ans pour le faire, 4 ans et demi. Donc en 2008, quand on est arrivé, quand je suis arrivé maire, donc, il y avait 75 hectares constructibles, urbanisables. Et quand on a lancé notre PLU, un an plus tard, donc les services de l'État m'ont dit qu'il faut passer à 25 hectares. donc de 75 à 25. Il fallait réduire de 50 hectares les surfaces urbanisables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une ville de 4000 habitants, c'est vraiment quelque chose de très difficile à réaliser. Parce que souvent, les gens ont acheté un petit lopin de terre pour leur retraite, pour leurs enfants, etc. Et quand on leur dit que ce terrain n'est plus constructible, vous vous rendez compte du drame. En tant que citoyen, ça, on le sait moins. C'est pas très communiqué, en fait. Et pour le coup, on est étonné de l'étalement des aires commerciales. Et même choqué, en fait, pour certaines personnes. Alors, comment on peut expliquer ça aux gens ? Alors, la politique commerciale, ça, c'est autre chose. Pourquoi on accepte des parkings devant Decathlon et moi, je ne peux pas avoir, comme disait madame, ma voiture garée devant chez moi ? Ou alors, on m'interdit une extension Parce que, juste ce que je peux dire par rapport aux outils, on a évoqué le SCOT, les PLU, et puis dans les PLU, il y a aussi des documents beaucoup plus fins qui s'appellent les orientations et l'aménagement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais où on cale sur des petites surfaces, on arrive à caler la position des voiries, la division des sols, l'ouverture, grosso modo, d'une parcelle sur la rue, et en fait... À la limite, la surface, ce n'est pas l'élément qui est le seul important. C'est effectivement, est-ce qu'on génère de la continuité bâtie avec une parcelle étroite, quoi, grosso modo, et de préférence tourner au sud, quoi. Ou au contraire, on fait quelque chose de carré, et là, même à 1000 mètres carrés, on arrive à avoir la maison qui est encore au milieu du pâté de terrain, quoi. Donc, on a en tout cas les outils pour que les communes qui le souhaitent définissent des urbanismes, des procédures urbaines de meilleure qualité. Une autre remarque aussi, moi j'ai jamais eu d'écho strictement négatif de commercialisation, de difficulté de commercialisation de petites parcelles. C'est-à-dire que le discours « la parcelle à 2000 m2 », c'est le vendeur qui la porte. Il faut être clair là-dessus. Hein. Ce n'est pas l'acheteur. Hein. Y a des exemples de lotissements dans des communes, pas périurbaines, mais où les petits lots à 500-600 m2 partaient les premiers. Ça, c'est des surfaces qui permettent, hein, avec une bonne orientation d'aménagement derrière, de générer de la qualité, de la continuité bâtie, de l'espace public. L'espace public aussi, moi, je le souhaite parfois plus grand que, hein, parce qu'il participe de la qualité. Justement, ce qui était intéressant, c'est enfin, le fait de réduire la surface individuelle. Si en même temps on dit on va diminuer la surface individuelle mais on va augmenter la surface de l'espace public, c'est intéressant, mais là ça veut dire qu'à ce moment là on fait, enfin par rapport à ta remarque tu dis c'est une question de mentalité, en même temps les gens quand ils achètent leur maison, et bon il y a différentes périodes de la vie, tant qu'il y a les mômes c'est un centre de vie, bon la famille, dès que ça commence à les ados, ça déjà commence à, ils commencent à vivre la parcelle ou la maison un peu différemment. Et je te dis pas quand on arrive à la retraite. Hein, bon, voilà, quand on arrive à la retraite, le couple il se retrouve, enfin le couple s'ils sont en couple, se retrouve seul, loin des services, etc. Et donc c'est quand même intéressant de ne pas isoler la problématique de l'habitat, de la problématique du village, du bourg, de la ville, de la, voilà, c'est pas et ça, je pense que les gens peuvent le comprendre. Est-ce qu'il ne peut pas aussi développer, aujourd'hui il y a des tendances, hein, mais ce n'est pas du tout marquant en France, le système de propriété. Aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce que tu dis, il y a un parcours résidentiel entre le moment effectivement, où on est jeune, on est étudiant, on est en couple, on a des enfants, on vieillit, les enfants partent, on se retrouve en couple, sans compter les problèmes d'accidents de vie, de divorce, de chômage. Est-ce qu'il ne faut pas mieux développer l'usage, c'est-à-dire la location de bonne qualité, plutôt que l'accession à la propriété, où on met souvent des ménages en difficulté et avec des problèmes énormes. Enfin, moi, c'est une question qui me paraît intéressante. Non, mais ça, c'est une question de choix, Bernard. Oui, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de ménages qui sont en difficulté parce qu'ils ont voulu accéder à la propriété et qui se retrouvent endettés, la corde autour du cou, et parce que soit il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu un chômage. Mais je crois qu'il faut laisser la possibilité aux gens. Ou bien, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout axer sur l'accession à la propriété. Je pense, dans mon propos, essayer de vendre aussi le produit locatif qui peut être de très bonne qualité. et qui peut offrir un service différent. Mais aujourd'hui, il n'existe pas, ou très mal. Mais là, c'est aussi une question de mentalité, puisque la propriété immobilière, c'est un bien, dans, c'est dans la Constitution française, c'est quelque chose que tout le monde veut. Bah oui, voilà. Ça, on se voit. Moi, je ne sais pas, par exemple, je suis devenu propriétaire. J'ai aucun de mes enfants qui est propriétaire. Je pense qu'ils passeront leur vie sans être propriétaire. Bon, souvent parce que c'est, enfin, quelqu'un qui vit à Paris, c'est de la folie. Ou alors il faut déjà être, avoir une situation, voilà. Mais après, aujourd'hui être à Paris, pas avoir de voiture, louer, etc., ça n'empêche pas d'avoir une bonne qualité de vie. Alors c'est vrai qu'il y a le fait qu'on va investir, donc c'est un bien qu'on va transmettre, etc., etc. Mais moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne raisonnent plus comme ça. Hein. Mais on n'aurait pas la possibilité d'être propriétaire, comme en Angleterre, où on est propriétaire pour 99 ans, après c'est l'arrêt qui rite, on n'achèterait peut-être pas. Hein. On ne serait peut-être plus locataire. On n'a pas de règle. En Angleterre aussi, ça dépend de quelle ville et autres. C'est quand même des questions de revenus pour moi. Hein. Enfin, je suis désolée, mais pour moi, l'accession à la propriété, c'est... La propriété, je peux parce que j'ai les moyens. Sinon, je loue et je n'ai pas le choix. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que les gens qui, comme Bernard, s'endettaient fortement pour être propriétaires, ne vont plus forcément avoir suffisamment d'argent pour faire une réhabilitation énergétique dans leur logement. Et justement, subir aussi, avoir des charges très importantes, parce que la chaudière qui va lâcher, on aimerait bien mettre quelque chose de performant, mais du coup, on n'a pas assez de revenus pour partir sur quelque chose de performant. L'isolation, on va se dire, tiens, je mettrais bien du chanvre. Le chanvre, par rapport au prix de la laine de verre, ça va être beaucoup plus cher. Donc on fait un choix, on a tout mis dans la maison, donc on doit se résoudre peut-être à... les huisseries, c'est pareil. Du coup, s'il faut en plus prévoir une VMC, si c'est un logement ancien, comment on intègre en plus une VMC dans un logement ancien, où ça peut être une belle maison avec des poutres apparentes. Enfin, il y a plein de questions qui peuvent se poser à la fois en termes de coûts, puis en termes aussi d'esthétique de la maison. L'isolation par l'extérieur, c'est pareil, ça peut être bien, mais sur certains bâtis qu'on veut cacher, voilà, ça peut être aussi décrié d'avoir une isolation un peu par l'extérieur qui va modifier aussi cet aspect de la maison. Donc il y a vraiment deux aspects, l'aspect financier et après l'aspect aussi esthétique. On parlait un peu de l'évolution du bâti avec une uniformisation au niveau national. Est-ce qu'on risque pas aussi, à un moment donné, par une certaine forme d'architecture avec des nouveaux matériaux, de retomber peut-être dans une espèce d'identité qu'on va retrouver un peu partout, et on va perdre ce côté un petit peu patrimoine local bâti. Voilà, c'est des questions comme ça qui viennent un peu à l'esprit. Un point, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation un peu paradoxale entre certaines catégories socio-professionnelles qui entendent ce discours-là de l'énergie, de l'habitat, de ce que vient de dire Bernard, c'est-à-dire de la non-propriété, d'espace collaboratif, etc., puis la réalité d'autres types de populations pour qui le modèle, entre guillemets, dominant encore socialement, c'est bien une accession à la propriété parce que ça permet d'avoir un regard, d'être arrivé, cette notion-là. Et je pense que ça, c'est difficile parce qu'on l'entend quasiment sur toutes les thématiques du développement durable. Et peut-être pour rebondir sur vos propos, je pense aussi que les politiques publiques ne sont pas très claires sur les discours envoyés. On parlait du SCOD tout à l'heure, il y a des choses qui sont faites, mais comment on communique et pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a une tendance à communiquer techniquement et pas communiquer politiquement. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. La décision du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il faut arrêter l'étalement urbain, il faut arrêter d'envoyer les populations, parfois les plus défavorisées, dans ces secondes zones où il n'y a que des centres commerciaux, il n'y a plus de services publics, il n'y a pas d'accès aux déplacements, etc. Enfin bon, c'est aussi ça, moi, je trouve, qui manque. C'est un vrai discours... Pas du tout, pas peu dit. Et du coup, on reproduit, on continue un peu à reproduire les mêmes types de schémas. Comme il va falloir arrêter, je vais peut-être me tourner vers Yannick qui essayait de noter, ça ne devait pas être toujours très facile. Est-ce que tu as noté des choses qui te paraissent... J'ai essayé de... Pour synthétiser, donc il y avait la première intervention qui tournait plutôt vers l'urbanisme. C'était dans les matériaux utilisés à la construction, l'aspect ouverture, sécurité dont vous parliez tout à l'heure. Après, c'était sur la densification urbaine ou l'étalement urbain. Les mentalités, donc c'est peut-être ce qui reste et qui sera peut-être le plus difficile à faire bouger. Les problèmes de culture. De culture. Ça mérite d'être travaillé, ça. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit à rien dit. Des problèmes financiers qui pourraient faire peur avant de se lancer dans de la rénovation. L'aspect, ben, comment je gère l'esthétique et le cachet, l'authenticité de ma maison, si je dois mettre de l'isolation, qu'est-ce que ça va cacher, est-ce que je peux faire autrement en gardant l'authenticité du bâtiment. Un manque de communication, peut-être par rapport alors, aux démarches, on va dire, administratives et tout ce qui tombe sous le coup de la loi. Et puis après, peut-être un manque de visibilité sur les conseils qui pourraient être apportés aux gens qui souhaitent rénover. Donc peut-être mettre un peu plus de lumière sur les organismes comme le CAUE ou le PAC. Ensuite, peut-être une complexité au niveau du bâti. De savoir si j'achète un bâtiment ancien, il y a peut-être tellement de paramètres à prendre en compte que ça peut faire, que ça peut faire peur. Pour pouvoir les mettre en relation avec les enjeux énergétiques de demain. Et ensuite, c'était la jungle, essayer de trouver les artisans qui correspondent à nos besoins et qui soient dans le même esprit que nous, à vouloir essayer de changer les choses, et pas seulement à caser des produits qui pensent écologiques et qui ne le sont pas forcément, enfin, énergétiques. J'en ajoute un, je laisse ma casquette d'animateur parce qu'il y en a un qui me tient très à cœur, c'est le fait que des tas de gens sont dépossédés des enjeux énergétiques. Moi j'habite à la Grand Fond, vous m'excuserez, mais les gens qui habitent dans les bâtiments à la Grand Fond, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur leur facture énergétique? Rien. Moi j'en rajouterais bien un autre, c'est aussi de se dire effectivement là on a vu les enjeux énergétiques à titre un peu individuel, qui sont importants certes, mais comment on les transforme en enjeux collectifs, c'est-à-dire l'un n'est pas antinomique de l'autre, et je pense que d'imaginer demain des enjeux collectifs autour de l'énergie, je pense que ça c'est un enjeu majeur. Vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à d'autres pays, en particulier des pays du Nord, mais là on peine à passer à des enjeux collectifs et politiques, on est encore beaucoup sur des enjeux individuels, avec une partie de la population effectivement qui en est de fait exclue, parce qu'on ne leur demande pas leur avis sur la question. Oui, mais souvent, parce que moi je prends toujours l'exemple des éoliennes, qu'est-ce qui se passe en Charente ici quand il y a un problème d'éolienne? C'est une entreprise qui débarque, elle vient faire du fric, et l'éolienne elle est toujours ressentie comme quelque chose d'étranger. Guy Martin, là, qui s'occupe d'Enercop en Bretagne, qui vient dimanche, il nous disait en Bretagne, il y a des régions, ils ont des traditions de... Il y a des pays qui ont un tableau de bord énergétique, ils se fixent des objectifs, et ils ont fait des parcs éoliens citoyens, et il dit, chez nous, quand on fait une réunion sur les éoliennes, à la fin, les gens, ils sortent leur chéquier. Ici, ils sortent la boîte à bas. Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est pas du tout un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir une personne de ressources qui s'exprime sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle.